Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arvède Barine, chapitre 3. Comment le Seigneur visita son cœur et le remplit d'une douceur merveilleuse, par la vertu de laquelle il commença à progresser dans le mépris de lui-même, et de toutes les vanités dans l'oraison, dans les aumônes, et dans l'amour de la pauvreté. Quelques jours après son retour à Assise, il fut choisi pour chef d'une fête par ses compagnons, et chargé de fixer les dépenses comme il lui semblerait bon. Il fit donc préparer un festin somptueux, ainsi qu'il l'avait fait bien des fois. Après le repas, ils sortirent de la maison, et ses compagnons le précédaient par la ville en chantant. Lui suivait par derrière sans chanter, tenant à la main un bâton pour marquer qu'il était leur chef. Et tout à coup, il fut visité du Seigneur, et son cœur se remplit d'une telle douceur qu'il ne pouvait ni parler ni se mouvoir, ni rien entendre, ni rien sentir que cette douceur qui l'avait rendu entièrement étranger à toutes les sensations de la chair. Et, comme il l'a dit lui-même plus tard, si on avait voulu alors le couper en morceaux, il n'aurait pu ni s'enfuir ni remuer. Ses compagnons s'étant retournés l'ayant aperçu bien loin en arrière, revinrent vers lui et s'effrayèrent de voir qu'il était déjà comme changé en un autre homme. Et l'interrogeant, il lui disait « À quoi pensais-tu? Pourquoi ne nous as-tu pas suivis? Peut-être songeais-tu à prendre femme ?» Et il leur répondit vivement « Vous avez dit vrai, car je songeais à prendre une femme plus noble, plus riche et plus belle que vous n'en avez jamais vue. » Et ils se moquèrent de lui. Or il n'avait pas dit cela de lui-même, mais par l'inspiration de Dieu. Car cette épousée fut la véritable vie monastique qu'il embrassa et qui, par la pauvreté, fut plus noble, plus riche et plus belle que celle des autres ordres. Aussi, à partir de ce moment, il commença à dédaigner et à mépriser les choses qu'il avait aimées jusque-là. Cependant, il ne s'en dégageait pas tout à fait parce qu'il n'était pas encore entièrement détaché des vanités du siècle. Il s'étudiait à se soustraire peu à peu au tumulte du monde et à recevoir Jésus-Christ dans son fort intérieur, en cachant aux yeux des égarés la perle de grand prix pour laquelle il souhaitait donner tout le reste. Souvent, presque tous les jours, il se mettait en oraison, poussé à cela par la douceur qu'il y goûtait et qui, venant le saisir dans les rues et dans les lieux publics, le ramenait à la prière. Il avait toujours été bienfaisant envers les pauvres. Mais dès lors il résolut fermement en son cœur de ne jamais refuser une aumône à un pauvre qui lui demanderait pour l'amour de Dieu, et de lui donner plus libéralement et plus abondamment qu'il n'avait coutume de le faire. Donc, toutes les fois qu'au dehors de son logis un pauvre lui demandait l'aumône, il lui donnait de l'argent, s'il en avait. S'il n'en avait pas, il lui donnait son bonnet ou sa ceinture pour ne pas le renvoyer les mains vides. Lorsqu'il n'avait ni bonnet ni ceinture, il se retirait dans quelque endroit secret, et là il se dépouillait de sa chemise et l'envoyait secrètement au pauvre, afin qu'il la portât pour l'amour de Dieu. Il achetait aussi des objets pour l'ornement des églises, et les faisait transmettre en grand mystère aux prêtres pauvres. Et lorsqu'en l'absence de son père il restait à la maison et dînait seul avec sa mère, il n'en chargeait pas moins la table de pain, comme s'il avait eu à faire des préparatifs pour toute une famille. Et si sa mère lui demandait pourquoi, il répondait que c'était pour avoir à donner aux pauvres, car il avait résolu de faire l'aumône à tous pour l'amour de Dieu. Sa mère, qui le chérissait plus que ses autres fils, tolérait ces choses, attentive à tout ce qu'il faisait et l'admirant en son cœur. Auparavant, en effet, il mettait tout son plaisir à se joindre à ses amis, chaque fois qu'il l'appelait, et il trouvait tant de charme à leur compagnie qu'il lui arrivait souvent de se lever de table pour aller les rejoindre, même sans avoir fini de manger, laissant ses parents affligés de son départ trop prompt. De même, maintenant, tout son cœur était plein du désir de voir et d'écouter les pauvres pour leur faire l'aumône. Ayant été ainsi changé par la grâce de Dieu, bien qu'il restât encore dans le siècle, il souhaitait de se trouver dans quelque ville où il serait inconnu, et où il pourrait échanger ses vêtements contre ceux d'un pauvre, et essayer de demander l'aumône pour l'amour de Dieu. Il arriva qu'en ce temps-là, il se rendit à Rome en pèlerinage. Étant entré dans l'église Saint-Pierre, il vit combien les offrandes de certaines personnes étaient modiques et se dit en lui-même, alors qu'il conviendrait d'ignorer magnifiquement le prince des apôtres, pourquoi ces gens déposent-ils de si petites offrandes dans l'église où repose son corps? Et alors, avec une grande ferveur, il tira sa bourse qui était pleine de pièces d'argent, et les jeta par l'ouverture de l'autel. Au bruit qu'elles firent, tous les assistants s'émerveillèrent de cette offrande magnifique. Puis, sortant de l'église, il changea de vêtements avec un des nombreux mendiants qui se tenaient devant la porte, et se tenant sur les degrés de l'église avec tous ses pauvres, il demandait l'aumône en français. Car il aimait à se servir de cette langue, quoiqu'il ne la parlât pas bien. Puis, ayant laissé ses haillons pour reprendre ses vêtements, il retourna à Assise, et là il pria le Seigneur de le diriger et de lui montrer sa voie. Car il n'avait découvert son secret à personne, et il ne prenait conseil de personne, si ce n'est de Dieu seul qui avait commencé à le guider, et aussi quelquefois de l'évêque d'Assise. Car, en ce temps-là, nulle part n'existait la pauvreté véritable, qu'il désirait par-dessus toutes les choses de ce monde, et en laquelle il voulait vivre et mourir. Markham Dan, archive.org d'après la numérisation de l'Université de Toronto. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial partage à l'identique.